ladies and gentlemen. It's the most Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107 FM. Et pour cette édition, hein, vous le savez, on est vendredi et qui dit vendredi dit billet de sortie. Et comme d'habitude, hein, cette liste est non exhaustive, ce n'est que le florilège des informations que j'ai pu trouver à annoncer. Il y en a quand même beaucoup, vous en faites pas, vous aurez de quoi vous occuper ce week-end et la semaine prochaine. Comme vous le savez, d'habitude, il y a des phoneurs, donc des interviews par téléphone, des annonces comme ça et de la musique. Et je vous annonce déjà dans l'ordre la musique qu'il y aura. Donc, en premier morceau, ce sera Scott McKenzie pour San Francisco, suivi de Like a Hobo de Charlie Winston. Ensuite, Eric Aliana pour son morceau Wake Up. Et enfin, Carpenter Brut pour son morceau Inferno Galore. Comme ça, si j'oublie de les annoncer, vous les aurez, vous les avez déjà dans l'ordre. Donc voilà, et puis voilà, on se retrouve juste après pour la conclusion. On va commencer ce billet de sortie avec la rubrique concert, à commencer par les nocturnes de l'été au jardin en terrasse de Plombières-les-Bains, qui jeudi 26 juillet à 20h reçoit Delphine Se Défile. Ce concert est gratuit et il y a restauration sur place. Ensuite, comme on parlait de concert, je l'ai annoncé, je l'ai répété plusieurs fois, courant de la semaine, samedi 21 juillet à 20h45 à l'abbatiale Saint-Pierre à Remiremont, Jean-Paul Poletti et le chœur de Sartène feront un concert. Donc ce sont des polyphonies corses entre chants profanes et religieux. L'entrée est de 20€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans s'ils sont accompagnés d'un adulte avec un billet. Et comme je l'avais promis, il y avait des places à gagner et des places ont été gagnées. Donc voilà, ça c'est pour des chants polyphoniques corses. Le dimanche 22 juillet, comme tous les dimanches après-midi, donc à partir de 18h à l'Estaminet à Vanier, il y aura un barbecue concert. Et cette fois, ce sera Hoboken Division qui fêtera avec l'Estaminet les 15 ans d'existence de ce bar. D'ailleurs, félicitations à l'équipe pour cette longévité. L'artiste à Golbey aussi organise plusieurs événements, des concerts, des soirées. Et j'ai eu Steve en phoneur pour nous en dire plus. Donc je vous laisse l'interview que j'ai faite avec lui. On retrouve Steve du complexe L'Artiste à Golbey pour faire la programmation du week-end et de la semaine à venir. Bonjour Steve. Bonjour Lou. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer au complexe L'Artiste ces prochains temps ? Ah ben tout de suite, ce soir directement, on commence par ce soir vendredi, on aura en première partie de l'improvisation théâtrale avec les anciennes gloires de l'impro du pays de Sarrebourg qui viennent nous voir. Avec un, donc il y aura trois Sarrebourgeois qui seront affublés de deux Nancéens et dont un qui joue aussi au Gicle d'Épinal. Donc on a voilà un cabaret impro avec cinq improvisateurs. Pour un spectacle en création sans limite, hein. Ça va être du grand n'importe quoi. Et donc ça c'est entrée libre, voilà. Participation au chapeau si vous le souhaitez. Suivi d'une soirée mix musicale sur là ce soir années 90-2000. Oui. Ça c'est pour ce soir, ça c'est donc au caveau, c'est dans la salle du bas et c'est entrée libre également. Demain soir je vous propose une soirée au caveau en mode karaoké. Vous allez pouvoir choisir les titres que vous voulez, puis chanter entre vous comme ça. C'est pas le karaoké grand format, c'est vraiment le karaoké intimiste. Ça c'est demain soir, samedi. Voilà. Et pour la programmation, on peut aller jusqu'à du coup jeudi prochain. Oui. On retrouvera jeudi prochain oui c'est le karaoké bien sûr, mais le jeudi c'est le karaoké. Ça c'est le grand karaoké dans la grande salle, ça c'est tous les jeudis à partir de 20h et c'est entrée libre également, voilà. Et c'est tout ce qui va se passer. Donc la semaine ce sera plutôt calme au complexe l'artiste cette semaine. Oui, on aura je ne sais pas encore s'il y aura salsa, il faut que j'en reparle avec Sébastien. C'est vrai qu'on a eu salsa cette semaine, mais je ne sais pas si ça sera mercredi. Je t'avoue, je ne sais le dire du tout. Ah du bah coup. Si tu le sais mais... pas, mais que les auditeurs ont envie de savoir, est-ce que ce sera sur ta page Facebook par exemple? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. On le mettra sur la page Facebook. On le mettra très vite ces jours-ci sur la page Facebook. La page Facebook Complexe l'artiste au cas où pour ouais. Ceux qui l'oublient. Enfin voilà, Steve, je sais pas si on a des infos complémentaires à transmettre aux auditeurs. Non, pas plus que d'habitude, effectivement, sur le site et donc sur Facebook. Et je vous parlerai la semaine prochaine de notre rendez-vous d'improvisation de vendredi et samedi prochain. Puisque nous aurons également un stage ouvert à tous sur l'improvisation théâtrale et la musique. Voilà. D'ailleurs, j'y pense, l'improvisation théâtrale, ça avait déjà commencé la semaine dernière ou encore plus tôt, non, chez toi? Oui, ça dépend, oui. Au niveau de l'horaire, tu veux dire? Non, je veux dire plutôt chronologiquement en semaine, je crois. Tu avais commencé un truc il y a deux semaines, ah, oui. Je crois. Oui. Oui, on avait une soirée spéciale le mercredi parce qu'on avait une troupe qui pouvait venir que le mercredi. Mais c'est vrai qu'habituellement, le soir dédié, c'est le vendredi, habituellement. Ouais. Ah bah écoute, on a hâte d'en savoir plus la semaine prochaine, toujours sur le théâtre d'improvisation. Bah merci beaucoup Steve pour ta participation et je te retiens pas plus longtemps. D'accord, bah merci à toi et puis à bientôt. À bientôt Steve et bon week-end. Merci. Enfin, Gérard Gomidas fera un concert où il va créer un tableau tout en chantant accompagné d'un piano le dimanche 22 juillet à 15h30 à Bourbonne-les-Bains à l'Office du Tourisme plus précisément. Donc si vous voulez une œuvre tout à fait neuve, tout à fait improvisée, rendez-vous le 22 juillet à 15h30 à l'Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains. Attention, bonne humeur et énergie à revendre avec la ville de Golbey. Après le Pérou et Pachama Son Latino, nous restons samedi 21 juillet en Amérique latine avec le groupe Hughes the Cuban, invité par la Commission Culture et Animation pour ce deuxième concert de l'été offert par la municipalité. Un groupe qui n'est pas inconnu à Golbey puisqu'il s'était produit l'an dernier, place de la mairie sous le nom Son del Salón. Une nouvelle dénomination, mais toujours la même énergie et une jolie carte de visite. Né en 2009, Son del Salón a déjà 3 albums à son actif, plus de 500 concerts sur les belles scènes européennes, donc Paléo Festival, Nancy Jazz Pulsation, Montreux Jazz, etc. et une tournée à Cuba. Il y a 2 ans, il obtient le prix Révélation 2016 à Tempo Latino pour le premier festival de musique latine en Europe. En 2018, le groupe Son del Salón fait sa révolution musicale et pour ce nouveau départ, change de nom Who's the Cuban est la question que tout le monde se pose. Pas facile de distinguer un Cubain avec un accent lorrain d'un Vosgien qui chante en espagnol. C'est surtout que ces musiciens chanteurs s'en moquent et préfèrent vous poser la question avant que vous ne leur demandiez. Samedi 21 juillet à 20h30, au Blanchant, donc c'est devant la salle Schumann rue Robert Schumann, buvette et des restaurations sur place, repli au centre culturel en cas de mauvais temps. Concert gratuit. If you're going to San Francisco, be sure to wear maintenant à la rubrique sport avec dimanche 22 juillet de 9h à 18h la 28e montée impossible à la Bresse. Donc la montée impossible, c'est une compétition de moto, on ne peut plus simple dans son principe. Chaque concurrent doit gravir une pente supposée infranchissable. Plus il s'arrête près du sommet, mieux il est classé et chaque pilote dispose de 4 tentatives. Seule la meilleure ascension de la journée compte pour le classement. Si plusieurs pilotes franchissent le sommet, ils sont départagés au chronomètre. Cette année, l'épreuve de la Bresse sera l'ouverture du championnat de France qui compte 5 compétitions. Les deux favoris seront le Suisse Marcel Hutchinson, champion sortant et le vice-champion de France 2017, le local Vincent Mougenot et derrière 70 autres concurrents qui feront tout pour les battre. Ça se trouvera sur le site Moutier des Fées, c'est situé entre la Bresse et Gérardmer. Donc c'est en empruntant la D483 au sommet du col de Grosse-Pierre, prendre la route tout droit. Pour le timing, donc la première manche sera de 8h à 10h30, la deuxième manche de 10h30 à 12h30, puis une pause forcément pour midi et de 13h30 à 14h la suite de la seconde manche, puis troisième manche de 14h à 16h30 et enfin quatrième manche de 16h30 à 17h45 pour la montée impossible de la Bresse. On est encore dans les sports à moteur, mais pas les mêmes cette fois pour le 19e Salon des Lampions, samedi 21 juillet à Remiremont au Champ de Mars. Donc ça comptera pour la Coupe de France de slalom pour le trophée Bernard Lambollet, qui compte pour la Coupe de France des slaloms 2018 et pour le championnat de la Ligue Grand Est Automobile. Donc ce sera le samedi 21 juillet de 13h à 22h30. L'entrée est libre et la buvette sera disponible sur place. Autre événement sportif pour ceux qui sont plus nature, l'association Les Flocons de l'Espoir organise son deuxième Color Trail et j'ai eu Clotilde, présidente de l'association, au téléphone pour nous en dire plus à ce sujet. On est là maintenant avec Coralie des Flocons de l'Espoir pour parler d'un événement sportif imminent. Déjà bonjour Coralie. Bonjour. Alors, on va pas beaucoup s'étendre sur l'association Les Flocons de l'Espoir parce que je vous reçois lundi à l'antenne de 18h à 19h pour en savoir plus. Quoique vous pouvez peut-être nous dire rapidement ce que c'est votre association. L'association a pour but... de lutter contre le cancer. Le cancer en règle générale ou un cancer spécifique? Oui, tout à fait. On a décidé de pas cibler un cancer particulier et vraiment élargir notre zone en fait. Et forcément, qui dit lutte contre le cancer dit parfois recherche de fonds. Et ce que vous organisez ce week-end, j'imagine que ça permet de financer des recherches. Il s'agit du Color Trail, je crois le deuxième que vous organisez. Je me trompe pas? Oui, c'est tout à fait ça, c'est notre deuxième. Déjà l'an passé, nous en avions fait un. Et comment ça s'était passé l'an dernier? Ça avait beaucoup plu aux gens, c'est quelque chose de très familial et du coup on peut vraiment tous s'amuser ensemble. Donc ce trail, contrairement à d'autres peut-être, est un trail accessible à tous? Oui, tout à fait, c'est un parcours assez court de 5 km. Donc vraiment, l'année dernière, par exemple, nous avions eu des enfants qui avaient 4 ans. Mais après, ce n'est pas forcément une course, c'est vraiment pour s'amuser. Donc les gens pouvaient également marcher quand ils le souhaitaient. Ah oui, donc c'est vraiment pour tout le monde, pour tous les niveaux. Et même pour les initiés, ça, ou pour les non-initiés, pardon, ça peut faire un premier trail. En effet, ça reste un trail, mais pas n'importe quel trail, un trail coloré. Oui, c'est ça. En fait, durant les 5 kilomètres de course parcourus par nos trailers, à chaque kilomètre, donc 1, 2, 3, 4, 5, nous avons des arches qui vont être déployées et nous aurons des bénévoles qui vont jeter de la couleur sur les trailers. Pourquoi avoir choisi de jeter de la couleur sur les trailers? Je trouvais que c'était très ludique et très c'est quelque chose qui plaît à tout le monde et c'est amusant, on ressort de la course, on est coloré, c'est voilà. Et d'ailleurs, est-ce que c'est encore possible de s'inscrire pour participer au trail? Oui, tout à fait. Donc jusqu'à ce soir, ça sera possible sur le site. Donc sur notre site internet LOASE. Oui. Et demain, il sera encore possible de s'inscrire sur place. Et vu qu'il y a inscription, il y a forcément prix d'entrée. À combien s'élève le prix d'entrée pour ce trail? Alors, pour les adultes, donc ça inclut t-shirt, parce que nous fournissons t-shirt, lunettes et sachets de poudre. C'est 16 euros. Et pour les enfants, c'est pareil, donc c'est les enfants de moins de 12 ans, c'est 13 euros. Et pour les enfants de moins de 6 ans, c'est gratuit. Et quand vous dites sachet de poudre et lunettes, alors j'imagine que la poudre, les lunettes, c'est pour protéger de la poudre, et la poudre, donc c'est de la poudre colorée. Oui, c'est fait, en fait c'est tout simple, c'est de la fécule de maïs qui a été séchée. Et ensuite, le fabricant rajoute du colorant alimentaire, donc ce n'est pas du tout nocif, mais on préfère quand même rajouter des lunettes pour que les gens ne se prennent pas non plus la poudre dans les yeux lors des lancers. Ça peut se comprendre en effet. Si un auditeur a peut-être envie de participer au trail, alors on a parlé du prix d'entrée, on n'a pas trop parlé de là où ça se passe. Eh ben, ça se passe au Rouge-Gazon, donc à Saint-Maurice-sur-Moselle. Tout simplement. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a moyen de se garer, enfin un endroit où se garer? J'imagine que ce sera déjà bien indiqué. Oui. De toute façon, il y aura toute la place, tout le parking du Rouge-Gazon qui sera libéré pour nos trailers. Et ça commence à quelle heure? Alors, la course débute à 15h, mais nous avons des animations et donc un échauffement pour nos trailers. Donc, ça ce qui sera fait grâce à une personne bénévole, donc de la Zumba, que je présenterai bien évidemment demain. Et donc, elle nous fait un petit échauffement de 20 minutes juste avant la course. D'accord. Donc, au moins, les personnes, déjà, pourront assister ou faire un petit échauffement avant le trail. Et puis, oui, après, s'initier à un trail dans la bonne humeur et dans la joie. Oui, voilà. Et d'ailleurs, en fait, oui, le but du trail, en fait, c'est de collecter des fonds pour l'association ou pour la lutte contre le cancer ou pour les deux? Alors, en fait, c'est vraiment pour récolter pour l'association, car ensuite, en fait, l'argent va être divisé en deux. Il y a, parce que nous souhaitons, en fait, donc, avec une partie donnée, donc, pour la recherche médicale, donc, ciblée sur le cancer, et une autre partie, on compte le garder et ensuite réaliser le rêve d'une personne malade. D'accord, donc c'est un but tout à fait louable, donc une raison supplémentaire d'aller au Color Trail organisé par les Flocons de l'Espoir à Saint-Maurice-sur-Moselle, au Rouge-Gazon. Je sais pas s'il y a des informations qu'on a oublié de mentionner, Clotilde. Je ne pense pas. Ah, dans ce cas, si on a tout résumé, eh bien c'est le plus important pour les auditeurs. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite beaucoup de courage pour la fin de l'organisation. Et puis de toute façon, on se dit à demain sur le terrain et à lundi à l'antenne. Eh bien merci, à demain. À demain Clotilde, au revoir. I've always known, since I was a young boy, in this world, everything's as good as bad. Now my father told me, always speak a true word, and I have to say, that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo. Some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take, And what would life be like without a few mistakes? Yeah, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Oh, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Maintenant à la rubrique festival avec le Tambouille Festival qui commence déjà, donc ce sera la semaine prochaine, mais le 26, j'aurai pas le temps de l'annoncer vendredi prochain. Donc le 26 juillet, ça se déroulera à la place Stanislas à Bruyères. En cas de pluie, il y aura un repli à la salle des fêtes et ça commencera à 19h avec le groupe Pony Express qui fait du folk and blues. Donc imaginez la salle de bar d'un motel sur la route 66. Neil Young et Bob Dylan ont sorti les guitares et harmonica. Eric et Philippe vous invitent à partager leur goût pour la musique des grands espaces. Suivi à 20h30 d'apparence par la compagnie Les Pieds dans la Lune. Donc c'est du théâtre burlesque muet qui dure 50 minutes et c'est des 6 ans. Une pub, voilà Lynette Canberge entraînée dans une course à la beauté sans pareil avec régime draconien et relooking total. Elle va travailler sur son apparence pour rentrer dans la norme. Mais jusqu'où ira-t-elle ? Et la soirée se clôturera à 21h30 avec Eddie Lagouyatch, donc qui fait de la chanson française pop. Eddie Lagouyatch, hein, c'est un nom propre, bien que souvent décoiffé, de genre masculin mais sensible, s'accompagne sur scène d'un batteur, d'un bassiste et de quelques artifices électriques, mais pas trop. Il peut présenter des traces d'influences diverses allant de Jimi Hendrix à Hawaï, en passant par la chanson réaliste. Il s'apprécie particulièrement en vrai, sur scène, où l'énergie, l'humour et le goût des mots en font un artiste reconnu presque partout. S'il y a une autre journée qu'il faut forcément que je vous annonce, c'est aussi celle du 27 juillet, vu que ce sera peut-être un petit peu tard pour vous préparer. Donc ce sera toujours hein, pour le Tambouille Festival qui, le vendredi 27 juillet, se trouvera à Destor, à la place de la mairie. Et en cas de pluie, il y a repli sous chapiteau ou préau en cas de pluie. Donc ça commencera à 19h avec Toc, qui fait du folk duo accordéon-guitare. Donc qu'il s'agisse de compositions ou de morceaux grappillés aux quatre coins du monde. L'inspiration est, disons, traditionnelle, musetto swingo flamenco. Suivi à 20h30 de Pile ou Face par Bruce Guérin, qui est un spectacle musical qui dure 1h15, hein, accessible dès 5 ans. Multi-instrumentiste, comédien sur les bords, chanteur à part entière et beau garçon, il vous invite en chanson dans leur univers singulier, émouvant et souriant. Toujours une blague au coin des lèvres, toujours les mots justes en chanson, et paf, on est transporté. Et la soirée se clôturera à 21h30 avec The Cracked Cookies, c'est un trio vocal féminin un peu fêlé qui s'inspire de leurs aînés les Poupini Sisters. Les trois chanteuses, musiciennes et comédiennes revisitent le répertoire traditionnel américain, mais pas que, en ajoutant aux harmonies vocales un jeu de scène décalé et décoiffant. Ça aussi, je l'avais annoncé courant de la semaine. Il y a vendredi, donc ce soir, hein, 20 juillet, pardon, à Rue-sur-Moselle, le festival Marché des Arts Vivants et des Musiques du Monde, au Relais des Anges. Donc, il y a déjà eu plusieurs activités, mais ça va continuer, donc, avec des concerts. Donc, le premier concert débutera à 19h30. Ce sera un duo de scène locale, hein, le duo Eve et Dino. Qui est né de la rencontre entre une chanteuse et un guitariste mordu de jazz. Leur musique sensible et colorée vous fera voyager entre le jazz et la bossa et la chanson française revisitée. Suivi à partir de 20h donc de Duoka, donc le duo à Kilti Afro Guadeloupéen, donc avec Marcel Magna et Jean-Fred Castri. Suivi du groupe Tchoukboua qui est inspiré de la culture vaudou. Et enfin, la soirée se terminera avec Eric Aliana et Piquette. Eric Aliana qui fait partie des pauses musicales que je passerai courant de l'émission. Si vous voulez en savoir plus, hein, donc ça se trouve au Relais des Anges, hôtel du centre bien-être restaurant, donc 30 rue de l'église à Rue-sur-Moselle. Et le tarif, donc, c'est 30€ pour une place de concert, pour un groupe à partir de 25. De 5 personnes, c'est 25€ par personne. Et les enfants de moins de 12 ans, c'est 12€. Donc ça, c'est pour le festival Marché des Arts Vivants et des Musiques du Monde. Toujours pour le théâtre en plein air, cette fois un autre festival, le théâtre en plein air, comme je le disais, sur le secteur de Raon-l'Étape. Cette fois, ce sera dimanche 22 juillet à 17h à Raon-sur-Plaine, Texo qui fait de la chanson et anecdotes. Solidement porté par la qualité des titres interprétés, ce one-man show musical vous séduira également par les nombreuses anecdotes et parfois même véritables mini-sketchs qui s'enchaînent entre les chansons. Clin d'œil aux paradoxes de notre époque et aux évidences comportementales de l'humanité ne font pas la part belle aux thématiques abordées tant par les chansons qu'entre celles-ci. Donc voilà, et l'entrée est bien entendu gratuite pour Texo à Raon-sur-Plaine, dimanche 22 juillet à 17h. Allez, on va aller dans un esprit un petit peu plus classique, hein. Bien entendu, vous l'avez compris, je parle des Nancyphonies qui commencent déjà avec vendredi, donc ce soir à 20h au Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Nancy, un esprit bohème avec Marco Chivao et Sergio Marchigani, donc ils font du piano à quatre mains, qui vont jouer du Mozart, du Brahms, du Schubert, du Rossini. Et comme je le disais, ce sera au Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Nancy ce soir à 20h. Les places coûtent entre 10 et 20 euros. Puis, sieste musicale samedi 21 juillet à 15h au parc Richard Pouille à Vendeuvre, où des jeunes solistes des Nancyphonies se donnent avec passion pour des moments d'intense émotion, à savourer sans modération à l'ombre d'un grand chêne ou allongé dans l'herbe. L'entrée est libre. Puis samedi 21 juillet à 20h au Grand Salon de l'Hôtel de Ville, un concert intitulé La Vida Breve avec Nadège Rocha au violoncelle et Raphaël Aguirre à la guitare, qui font un enregistrement vif argent dédié au répertoire hispanique et latino qui a reçu des éloges de la critique internationale. Avec, je vais peut-être juste vous citer les artistes qu'ils vont interpréter, donc il y a De Falla, Granados, Casado, De Falla et encore il y en a beaucoup d'autres, mais je vous les laisse découvrir et l'entrée coûte entre 10 et 20 euros. Nouvelle heure exquise dimanche 22 juillet à 17h, cette fois au kiosque de la Pépinière à Nancy. Encore une fois, entrée libre, hein, pour des jeunes solistes qui ont envie simplement de jouer et de permettre à tout le monde d'écouter de la musique, hein. Je ne vais pas m'étendre sur les heures exquises. Puis lundi 23 juillet à 20h au Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Nancy, ce sera un prélude avec Célimène Daudet, une pianiste qui célèbre le centenaire de Debussy dans des extraits de son enregistrement de l'intégralité des préludes. Donc elle va interpréter du Chopin, du Liszt et du Debussy bien entendu, et les places coûtent entre 10 et 20 euros comme d'habitude à l'hôtel de ville de Nancy. Puis nouvelle heure exquise, mardi 24 juillet à 17h au kiosque de la Pépinière à Nancy, encore une fois, entrée libre, vous le savez. Et ce ne sera pas encore tout. Eugène Skorodovinkov sera mercredi 25 juillet à 20h au Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Nancy. C'est un pianiste qui va interpréter du Chopin, beaucoup de Chopin. Les places coûtent entre 10 et 20 euros. Nouvelle heure exquise, mercredi 25 juillet à 17h au kiosque de la Pépinière de Nancy. Entrée libre maintenant, vous le savez. Et enfin, je crois que oui, c'est le dernier événement des Nancyphonies que j'ai annoncé pour cette semaine. C'est l'héritage de Bach, vendredi 27 juillet à 18h30 à l'église Saint-Fiacre à Villers-les-Nancy par Olivier Perrin, qui est organiste titulaire de l'église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris. Il assure la direction d'ailleurs des concerts de la Madeleine. Et je vais pas vous dire tout ce qu'il joue. S'il va jouer du Karl Ellert, du Bach, du Brahms et du Mendelssohn, aussi du Reger et du Perrin. Et l'entrée est tout à fait libre. Autre festival qui va bouger un petit peu plus, ce sera l'East Summer Fest 8, un mix entre une journée électro, une journée rock, ou plutôt métal. Hein. D'ailleurs, c'est aussi le choix de la dernière pause musicale que j'aurais fait. Je ne vous en dis pas plus. Mais pour en savoir plus sur ce East Summer Fest 8, j'ai eu Alex en phoneur. Donc je vous laisse avec l'interview que j'ai faite avec lui. En plein été, bien entendu, ça semble évident, il y a énormément de festivals. Et s'il y a un festival aussi qu'il fallait que je mette en avant, c'est le East Summer Fest qui a lieu ce week-end dans le 54 à Dieulouard, plus précisément. Et pour en savoir plus, j'ai Alex de l'association TX, donc Trash Xylo, au téléphone. Bonjour Alex. Bonjour, bonjour, les Vosges. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment ça va se passer, surtout les temps forts en fait du festival qui se déroule sur deux jours, si je me trompe pas. Oui, vendredi et samedi. C'est ça, on ouvre les portes demain soir à 19h pour les fermer à 3h du matin le vendredi soir, et le samedi on les ouvre à 19h pour les fermer à 2h du matin. Les temps forts de cette soirée, c'est bien sûr des concerts non-stop entre une scène A principale et un chapiteau qui le vendredi soir accueillera un sound system, donc on pourra revenir là-dessus si tu le veux bien. Et le samedi soir, cette deuxième scène chapiteau se transforme en espace interview et showcase acoustique. Ok, donc tu avais dit il y a sound system qui participe. Est-ce que c'est un groupe en particulier que tu veux mettre en avant? Non, sound system en fait c'est une sonorisation fabriquée maison, c'est-à-dire qu'on ça s'inspire de la culture jamaïcaine où le public est lancé dans des balles et des enceintes fabriquées par les DJ à l'époque étaient au sol comme les DJ. Donc c'est une culture qu'on appelle la culture sound system. Et en Lorraine, on a la chance d'avoir 4 sound systems, un dans chaque département, avec des associations de musiciens qui ont fabriqué leur propre système de sonorisation, leur sound system. Et donc il y a un atelier dédié à cette création de son pendant le East Summer Fest 8. Exactement, le vendredi soir, il y a un chapiteau de cirque qui va accueillir un sound system toute la soirée. D'ailleurs, il me semble, si je me trompe pas, le festival est sur deux jours et c'est même deux jours thématiques. Il me semble que le vendredi c'est plus électro et le samedi c'est plus rock metal. Je me trompe? C'est exactement ça. Le vendredi soir, on va accueillir près de 7 groupes qui sont aussi bien ska, dub et électro. Et le samedi soir, on est plus sur des esthétiques punk, metal, rock. Est-ce qu'on peut peut-être un peu faire le listing des différents artistes qui aura déjà vendredi? Alors, les locaux du vendredi, c'est le sound system, donc Mosellan Humble Tree Hi-Fi. Ensuite, on aura sur cette même scène sound system, on accueillera de tout droit venu d'Angleterre, Charlie P. Tout droit venu de Prague, Redim Tofa, et tout droit venu de New York, Dubstyle. Ça, c'est pour la partie sound system. Et vendredi soir, toujours, mais sur la grande scène, on aura le groupe de Belfort, les Touton Clubs, le groupe de Besançon, Madinska, et on terminera avec le groupe du Sud, un groupe live band avec que des vrais instruments qui font de la trance, qui s'appelle La Petite Fumée. Voilà pour le vendredi. Et pour le samedi, qui aura-t-il donc? Le samedi, une grosse place aux locaux est donnée puisqu'on accueillera le groupe de Nancy Hoboken Division, Louisville et P.O. Box. Ça, ce sont trois formations qui viennent de Lorraine et qui existent depuis la plus vieille formation. C'est Louisville qui doit être à 15 ans de carrière, P.O. Box à 10 ans et Hoboken un peu moins de 6 ans. Et on aura aussi sur la grande scène, en tête d'affiche, No One Is Innocent et Punish Yourself. Ah oui, c'est vrai, je me souviens aussi pour No One Is Innocent avec l'émission qu'on avait fait un petit peu plus tôt dans le mois, je m'en souviens plus. Non, je crois le 4 juillet, quelque chose comme ça, ou le 3. Mm-hmm. Oui, ça y est, c'était le 3. Donc, en effet, on avait passé du No One Is Innocent parmi les nombreux groupes qu'il y aura. Mais dis-moi, on peut peut-être rappeler aux auditeurs que l'entrée n'est peut-être pas gratuite pour le festival. Non, elle est de 17 euros par soir ou dépasse à 27 euros pour les deux soirs. Ça c'est les prix sur place. Il y a des tarifs en pré-vente, mais la pré-vente, dépêchez-vous parce qu'elle va fermer demain midi et pour l'instant c'est uniquement sur la FNAC. On n'a pas un réseau Wi-Fi suffisant pour pouvoir faire du ticket numérique. Donc voilà, on n'est pas cher à l'entrée, hein, 17 euros pour voir 6 groupes, c'est vraiment rien, hein, c'est pas le prix de c'est moins cher qu'un prix d'un concert habituellement dans une salle. Et même tout ce qui est nourriture et bar, on contrôle bien les prix avec des boissons en moyenne à 2 euros et des espaces restauration avec des plats pour moins de 5 euros. En parlant de nourriture, alors boissons, j'imagine qu'il y a du soft et du moins soft. Il y a un bar à eau. On offre l'eau. On a un bar à eau qui est tenu par nos minots, là, tous nos petits mineurs s'occupent de tenir un bar à eau. Ah bah c'est important de souligner que l'eau est offerte. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les festivals. Je ne pense pas que ça soit le cas dans tous les festivals, mais c'est quelque chose qu'on a tenté l'année dernière, qui a super bien fonctionné. Puis en plus, comme c'est un festival qui est assez familial, faut de l'eau, quoi. Il va faire 28 degrés demain soir, demain après-midi et une vingtaine de degrés demain soir. Ça me semblait essentiel d'offrir de l'eau. Bien entendu, c'est humain après tout d'offrir l'eau. Et comme on parlait de nourriture, tu peux nous redire un petit peu ce qu'il y aura à manger peut-être pour... Bien sûr, il y aura deux restaurateurs qui vont proposer, un va vous proposer des flammes maison gratinées au feu à bois et la deuxième ce sera tout ce qui est pizza américain, mais pareil avec des tarifs qu'on contrôle, c'est-à-dire qu'on demande des tarifs qui soient en dessous de 5 euros par personne. Et s'il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui est peut-être sans gluten, sans gluten, qui est musulman ou qui est végétarien, il y a aussi pour eux. Exactement, c'est-à-dire que les deux stands de nourriture proposent pour la flamme, ils peuvent très bien proposer des choses sans gluten, hein, c'est pas puisque c'est des flammes maison, donc vous choisissez ce que vous voulez mettre dessus. Et pour en face, pour la pizza et les Américains, c'est des sandwichs que vous pouvez faire. Avec des steaks de soja, par exemple, pour les végétariens. Enfin voilà, on offre un maximum de prestations dans des prix raisonnables. À côté de ça, on aura aussi à peu près 7 exposants. Alors il y aura des disquaires, comme il y aura des créateurs sculpteurs, sculpteurs lumineux et d'autres artistes. Donc pas loin de 8 exposants. Et aussi dans les autres surprises, dans les autres choses qu'on aime offrir à notre public, c'est quand même tout un site qui est entièrement décoré par des plasticiens de la région et d'ailleurs. Et là, on est en train de peaufiner tout ça, justement. Oui, vous êtes en train de tout peaufiner, vu que ça y est, hein, ça va quand même commencer incessamment sous peu. Et dis-moi, parmi les dernières informations qu'il faudrait peut-être qu'on transmette, c'est peut-être le lieu où ça se déroule et comment vous rejoindre. Il y a le site internet et tout ça, ouais, bien sûr. Alors, le East Summer Fest se déroule à Dieulouard, donc le 20 et 21 juillet. L'endroit, c'est le stade Marcel Cruzem. Donc il y a le stade de rugby de Dieulouard, qui est à 400 mètres de la gare. Pareil, on a un partenariat avec Metrolor, qui permet d'avoir une quatrième place offerte quand vous achetez 3 places de train dans les réseaux Metrolor. Donc possibilité de venir en train, possibilité de venir en vélo de Nancy ou Metz par des voies cyclables. Ça se fait, hein, tous les ans, on a des gens qui viennent en vélo. Possibilité de venir en voiture avec un parking gratuit et une aire de repos camping gratuite avec des animations gratuites. Pour nous retrouver, c'est très simple, www.eastsummerfest.fr ou le Facebook EastSummerFest et l'événement EastSummerFest 8. Eh bien, je te remercie beaucoup, Alex, pour toutes ces informations. Il me semble qu'on a tout résumé pour les auditeurs. Très bien, je vous donne tous rendez-vous demain à l'ouverture. Ben voilà, merci beaucoup, Alex, et bon courage pour le EastSummerFest 8. Merci bien, bonne soirée, au revoir. Merci à toi aussi, au revoir. Autre festival, les Estivales, chaque été, hein, chaque samedi soir de juillet et d'août à 20h30 à la place du Bain Romain. Tous ces événements sont gratuits et qu'est-ce qu'il y aura ce samedi ? Ce sera Caraïbes qui sera présent à Plombières-les-Bains. Toujours dans les festivals, cette fois on va vers Remiremont pour le festival, un air d'été à Remiremont. Samedi 21 juillet à 14h, il y aura démonstration de verre sur chalumeau avec Flamoff. Puis à 17h, concert de mandoline et enfin 21h, concert de Kettle qui fait du pop rock reggae. Ça, vous le savez aussi, pour tout l'été, hein, tous les mercredis et tous les vendredis, il y a Épinal Bouge l'été qui organise des événements. Ces événements aussi sont gratuits. Donc ce soir, vendredi 20 juillet à 21h à la Place des Vosges, vous aurez l'occasion de découvrir le groupe des Cosaques qui fait de la musique et danse traditionnelle russe. Qui est d'une infinie richesse de mélodies reconnaissables entre mille autres dès les premières notes de Balalaïka. C'est un groupe composé de chanteurs à grande voix et de musiciens sans égal qui perpétuent et suivent minutieusement les traditions artistiques de l'ancienne Russie des Tsars. L'ensemble puise son répertoire aux sources des anciennes mélodies, le tout magnifié par un récit d'une histoire permettant de donner un sens à chaque morceau interprété. Les costumes traditionnels, le charme slave, l'accordéon diatonique et la magie des voix russes exceptionnelles, larges et puissantes, nous promettent un voyage d'exception à travers la vieille Russie. Les artistes sont issus de prestigieuses écoles de théâtre, de chant et d'orchestre réputées de Russie. Diplômé de l'école supérieure d'art théâtral à Moscou, Mikhail Sikrochavine, hein, on va pas faire attention, est soliste de nombreux spectacles musicaux sous la direction de maître Otchirkovski, donc du théâtre de la comédie musicale à Odessa, et de maître Anzimov du théâtre du Bolchoï. Et enfin, mercredi 25 juillet, ce sera un spectacle cette fois, donc mercredi 25 juillet à 15h au parc du château. Ce sera Trium Virage qui fait du cirque burlesque. Donc c'est un ballet aquatique terrestre pour un numéro comique rocambolesque. Une vieille dame débarque à la plage avec deux chenapans qui font les pitres et s'installent pour goûter quand tout à coup la grand-mère s'étouffe avec un gâteau et tombe en syncope. Les garçons tentent en vain de la ranimer, s'ensuit une distorsion dans le temps, les enfants sont devenus adultes et la vieille dame a rajeuni pour un spectacle intemporel grandiose. Après de nombreuses tournées en cabaret et musical avec le trio Héraclès, Claire, Pascal et Rush, tous trois formés aux arts acrobatiques et sportifs, ont décidé de prendre l'air. Ils ont fait appel à Pierre Dumur, acrobate aérien et acteur, afin de monter un spectacle humoristique et visuel pour le public de la gare, de la rue. Numéros de poupées désarticulées, passages magiques dans une cabine de plage et les trois compères se retrouvent en costume de bain des années 30 pour un spectacle d'équilibre et porté extravagant. Donc du 23 au 26 juillet, la compagnie du Plateau Ivre, toujours dans son théâtre de Verdure, organise des stages de théâtre, hein, sur inscription. Mais ce sera de 10h à midi et de 14h à 18h30. Donc le matin, c'est les groupes enfants-adolescents et l'après-midi, c'est les groupes adultes où les participants exploreront le théâtre et l'acteur à 360 degrés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.leplateauivre.com. Wake up, wake up. Give me your soul, give me your eyes. Dans la rubrique spectacle avec le Théâtre du Peuple qui les 20, 21, 22 et 26 juillet à 15h, bon pour aujourd'hui c'est un petit peu tard mais pour les autres jours non, ce sera la représentation de la pièce intitulée Littoral de Wajid Mouawad, mise en scène et scénographiée par Simon Delétan. Donc si vous voulez la synopsis rapidement, Wilfried apprend la mort de son père, il se met alors en quête d'un lieu de sépulture, mais ce qu'il ne sait pas c'est qu'il se lance dans une aventure qui le mènera au fondement même de sa propre existence, où il va fouiller la mémoire et le passé en faisant se côtoyer les vivants et les morts. C'est une comédie, une tragédie, une pièce au souffle épique écrite par l'un des plus grands auteurs du répertoire contemporain qui sera portée par 18 comédiens professionnels et amateurs. Et le spectacle dure 2h30, c'est dans la grande salle du spectacle et les billets coûtent entre 8 et 25 euros. À Wesserlin aussi, il y a toujours À Wesserlin, il y a toujours le Festival des Jardins Métissés et comme toujours, des événements qui auront lieu ce dimanche 22 juillet. Et j'ai eu pour ça Justine Balland en interview qui nous en dira un petit peu plus sur les événements de ce week-end. Dans le cadre du Festival des Jardins Métissés, donc qui a lieu du 3 juin au 14 octobre dans les parcs de Wesserlin, il y a ce week-end encore une animation. Donc, pour en savoir plus, je suis avec Justine Ballant au téléphone. Bonjour Justine. Bonjour. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ce week-end à Wesserlin? Alors là, il se passe toujours plein de choses chez nous au parc de Wesserlin. Donc, pour ce week-end et plus particulièrement ce dimanche 22 juillet, nous aurons la fête du sentier pieds nus. Alors, il faut savoir que le sentier pieds nus, c'est une mode allemande, hein, à la base, qu'on a créée chez nous depuis plusieurs années. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui plaît aux enfants, qui plaît aux familles, et puis aussi aux adultes, hein, pour se faire plaisir. Et on a créé depuis maintenant 4 ans une fête pour célébrer ce sentier qui mélange pas mal de matières et de sensations. Et il y a beaucoup d'animations qui vont se dérouler ce dimanche. D'accord. Et pour faire un petit topo des différentes animations qu'il y aura, justement, qu'est-ce qui va se passer ? Alors du coup, de 14h à 18h, hein, on sera surtout sur l'après-midi en termes d'animation. On aura par exemple la pêche aux poissons japonais. Alors bien évidemment, vu que c'est la fête du sentier pieds nus, on ne pêchera pas avec ses mains, mais avec ses pieds. On va également proposer de l'impression à la tombe japonaise. Donc les enfants ou même les adultes pourront laisser leur empreinte ou même repartir avec si on a envie. On aime bien aussi proposer des souvenirs comme par exemple la fabrication de bracelets de cheville pour toujours créer un lien et un clin d'œil avec notre histoire textile au parc de Wesserlin. On aura également un Kimdodeur, donc un jeu d'odorat. Les participants devront deviner quelle plante aromatique se cache dans des chaussettes, pour toujours être dans le thème du sentier pieds nus. Mmh. Et comme notre grand thème de l'année au parc de Wesserlin, c'est le Japon, on aura aussi des animations spéciales Japon, comme par exemple une initiation au Qigong. Mais c'est pas fini, parce qu'on adore vous proposer plein de choses. On aura aussi des animations comme du foot avec les pieds nus, du body painting. Il y aura également un piano géant qui sera installé au sol sur lequel on pourra jouer de la musique avec ses pieds, comme dans le film bien connu Big. Voilà, plein de jeux de société. Et en plus, bien évidemment, notre festival des jardins métissés à découvrir avec des jardins d'artistes ludiques et qui vont faire plaisir à tous les âges. En effet, pour tous les âges, vu qu'il y a, j'ai un petit peu le déroulé sous les yeux, donc ce que vous avez pas trop dit, donc il y aura des jeux de société géants, du saut en longueur, des arts martiaux, des jardins fraîcheurs, du toboggan, tiens, vu qu'il y a déjà des très jolies balançoires au jardin de Wesserlin. Et donc, oui, je disais, dans le cadre du festival des jardins métissés, il y a aussi, oui, vous l'avez dit, du body painting et du qigong dans les jardins. Enfin, toutes ces animations au sein du jardin sont gratuites. Absolument. La seule participation financière concerne l'entrée au parc de Wesserlin. Donc, quand vous achetez un billet chez nous, vous avez à la fois accès au musée textile, au jardin et à la grande chaufferie, du coup. Si on parle de tarif allant jusqu'au bout, pour les adultes, c'est 9,50 €. Les enfants de 6 à 17 ans ou les étudiants, c'est 5 €. Et pour les moins de 6 ans, c'est gratuit. Et oui, je pense que c'est toutes les informations qu'on avait besoin de véhiculer, sauf si vous avez des nouvelles qui ne me sont pas tombées sous la patte. Écoutez, non, tout va bien. Il y aura voilà plein de choses à faire autour du sentier pieds nus, avec du clin d'œil textile, du clin d'œil Japon. Et je pense que si la météo veut bien aussi être avec nous, ça va être une plutôt belle journée. En effet, ce sera une très belle journée pour les auditeurs qui veulent en savoir plus ou savoir ce qui se passera les semaines suivantes. Bon, même si je pense que j'oublierai pas trop de les annoncer. Vous pouvez aller sur la page Facebook des Jardins de Wesserlin, enfin c'est Parc de Wesserlin, pardon, je vais y arriver. Ou sinon sur le site internet, vous pouvez le dire Justine s'il vous plaît? Bien sûr, www.parc-wesserlin.fr. Eh bien, merci beaucoup, Justine, pour votre contribution. Je vous souhaite une très belle fête du sentier pieds nus. Et puis, bon week-end et à bientôt, Justine. Merci à vous, bon week-end. Merci, au revoir. On se dirige maintenant et très brièvement dans la rubrique fête entre guillemets avec Pat Anim qui sera au bar chez Fat pour une soirée karaoké ce soir, donc samedi vendredi 20 juillet à 21h. L'entrée est tout à fait libre et vous le retrouverez cette fois samedi 21 juillet à 21h au bar Opego à Cornimont, j'imagine toujours pour une soirée karaoké. Et on finit par la base de loisirs à Saulsure-sur-Moselotte qui ce vendredi 20 juillet fait une soirée à partir de 20h30 au bar Les Terrasses du Lac. Une soirée concert Nevermind, donc dans une ambiance rock, pop rock en passant par les tubes de nos jours. L'entrée est comme d'habitude gratuite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour à Saulsure. Ça y est, vous l'avez entendu, c'est le générique qui a commencé et qui dit générique dit l'heure de faire la programmation de la soirée. Donc la prochaine émission ce sera à 21h. Donc ce sera Vivre et créer la montagne avec Vincent ou Mosaïque avec François. Cette fois j'en ai strictement aucune idée. Puis de minuit à 1h c'est rediffusion de La Bulle de l'IA qui a reçu ce midi Toff Blanc qui est un artiste et clown. Puis et bien que de la musique pendant la nuit, puis rediffusion demain matin de 7h à 8h pour l'émission que vous venez d'écouter à l'instant. Et pour les curieux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera disponible sur la page Facebook Radio Gémozo et sur notre site internet radiogémozo.eu rubrique l'heure des loups. Et sinon elle sera rediffusée plus tard dans la journée de samedi vu qu'on arrive déjà à samedi 21 juillet. Donc à 8h30 ce sera les Vosges samedi avec Hélène de RCN. Puis à partir de 10h ce sera Musette Partie avec Cyril Renaud. La prochaine émission ce sera samedi après-midi à 14h hors format avec Mika. Puis 19-20h, bah, comme je l'avais dit, rediffusion du billet de sortie pour savoir tout ce qui se passera samedi soir, dimanche et lundi, enfin et la semaine suivante. Puis à 21h ce sera Rock à la Casbah. Et enfin dimanche à minuit ce sera la rediffusion de Jukebox de jeudi. On en arrive déjà à dimanche 22 juillet pour la rediffusion de Musette Partie à partir de 7h. Puis à partir de 10h ce sera rediffusion de Salut les 60 avec Gérard. 16h ce sera J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique. Puis rediffusion des années bonheur de Gilou à 18h. Puis à 22h Jazz Time de Radio Déclic suivi d'une heure et demie de jazz. On se retrouvera lundi comme d'habitude et de bonne humeur avec comme je l'avais déjà dit l'association Les Flocons de l'Espoir hein, qui organise un trail samedi et que je reçois lundi pour en savoir plus sur eux. Enfin bref, on se retrouve lundi de bonne humeur. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, une très belle soirée et à lundi tout le monde. Au revoir.